me perdre et m'y brûler. Mourir d'amour et en ressusciter. Aime-moi comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Aime-moi comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça. Aime-moi et comme un sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi. Aime-moi et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi. Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Aime-moi. Te manger comme une pomme, qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière. Passer à n'espérer que toi, à t'écrire ces lettres inachevées que sans doute jamais tu ne liras, à écouter cette musique qui porte encore tes initiales, tout ce qui n'en finit plus de me faire mal. Je ne compte plus les jours où tant de fois j'ai essayé de retrouver un peu partout de ta présence, jusqu'à ton parfum dans ce vieux pull à col roulé que tu portais, je m'en souviens, pour les vacances. Et même si chaque instant qui passe nous sépare un peu plus, je t'en supplie, laisse-moi croire que rien n'est perdu. Doucement, réapprendre à s'aimer. Dans tes yeux, enfin me retrouver. Nous avons dit un nouvel avenir pour ne plus jamais vivre sans toi. Toi et moi, réapprendre à s'aimer. Tu verras, c'est pas si compliqué. Dans tes bras, sans perdre une seconde, je construirai un monde. Je ne compte plus tout ce temps écoulé à refaire ces balades, parcourir ces allées où tout encore me parle de toi, de nous, du passé. Et même si chaque instant qui passe nous sépare un peu plus, je t'en supplie, laisse-moi croire que rien n'est perdu. Doucement, réapprendre à s'aimer. Dans tes yeux, enfin me retrouver. Nous inventer un nouvel avenir pour ne plus jamais vivre sans toi. Toi et moi, réapprendre à s'aimer. C'est pas si compliqué. Dans tes bras, sans perdre une seconde, je construirai un monde pour toi. Doucement, réapprendre à s'aimer. Dans tes yeux, le courant charrie d'anciens souvenirs, d'anciens paradis, laissons-les partir. Tu étais trop belle, fermer printemps. Tu étais trop belle. Le pont des soupirs n'a plus rien à dire. Car tu m'as volé mon cœur fatigué. Comme les hirondelles, tu aimais le vent. Comme les hirondelles, mes mains se souviennent de nuits sans retour. Les mots me reviennent à pas de velours. Le ciel est empli de larmes fragiles, de ton bleu tranquille, du temps qui s'enfuit. Je n'ai plus d'envie, je n'ai plus d'amour, qu'un débris de vie qui compte ses jours. Comme les hirondelles, tu aimais le vent. Comme les hirondelles, mes mains se souviennent de nuits sans retour. Les mots me reviennent à pas de velours. Le ciel est empli de larmes fragiles, de ton bleu tranquille, du temps qui s'enfuit. Sur tes chemins gris, les oiseaux du sud te tiennent compagnie dans ta solitude. Tu étais trop belle pour faire mes printemps. Comme les hirondelles, tu aimais le vent. Trop belle pour faire mes printemps. Comme les hirondelles, tu aimais le vent. Tu étais trop belle pour faire mes printemps. Comme les hirondelles, tu aimais le vent. Qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. Près de toi, je resterai. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, Butterfly. Près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassé. Butterfly, ma butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Un bye-bye comme on lance un sac dans une soute à bagages. Un peu de courage et le lendemain matin j'étais déjà loin, si loin. Avant je me voyais comme un imperméable. Je les laissais pleurer pour me sentir aimé. Et je reprenais mon sac, mon air de gare. Un taxi dans la rue, je ne revenais plus. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Que rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Que j'aimerais mieux mourir que de partir encore. Je quittais mes amours comme des livres de poche qu'on oublie sans regret sur un siège d'autobus. Et sans arrière-pensée, je partais au loin. Je me voyais comme un train à vapeur dans la nuit. Mais un jour, j'ai pas su ce qui se passait. J'avais envie de partir, mais je restais. J'avais beau hanter les halles de terminus, j'arrivais plus à prendre l'autobus. Je pensais pas qu'un jour, j'aimerais si fort. Que rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Que j'aimerais mieux mourir que de partir encore. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Que rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Que j'aimerais mieux mourir que de partir. protège derrière notre timidité. Ou bien du rôle ou de l'image qu'on veut donner. Fragile comme les veines de la star, le destin ou bien le hasard des femmes du monde ou d'une fille de trottoir. Le grand besoin d'amour. Le grand besoin d'amour. Le grand besoin d'amour. Il s'impatiente de toutes ses immensités. Dans le miroir implacable de notre intimité. Quand on chante, est-ce vraiment nos voix? Nos larmes ont-elles toujours le choix? Nos actes et nos pensées n'obéiraient qu'aux lois du grand besoin d'amour. Le grand besoin d'amour. J'attendais votre voix. d'autres couleurs. Est-ce qu'on y voit mieux? Est-ce qu'on est meilleur? Quand tout redevient si clair, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous. J'ai marché si longtemps, je viens de loin. Le monde est trop grand, trop long le chemin. Je n'attendais que vous. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air qu'enfin je respire. Tenter le sort jusqu'aux Açores, ailleurs, quand le vent remplit nos voiles, c'est la lumière des étoiles, le voyageur qui dit ailleurs, c'est toujours l'idéal. Oh, comment dire nervement, à Bali on rêve encore, on est tous chercheurs d'or. Ailleurs.

séparés. Et la plage s'est vidée lentement de nos images semées au vent. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin. Avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, mais quand le tonnerre ronde, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète cent fois: je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas. Thank you. j'aime ton masque. Chaque fois que tu sors dans la rue, en haut de l'affiche tu peux jouer tous les rôles qui t'ont plu. Mais peut-être qu'un soir tu seras celui que tu ne connais pas. Le rideau s'ouvrira, mais il n'y aura que toi. Et alors, perdu comme un étranger, comme une ombre dans la nuit, comme un gosse perdu, personne sur qui compter. Perdu comme un étranger, comme une ombre dans la nuit, du soleil, personne à marijuana. Pour eux la mort, pour nous la samba. La vérité, c'est que ces enfants de salauds, arrange un peu la cam dans leur ghetto. Ça tue surtout les pauvres, les négros, les bandits. Ça justifie les flics, ça fait vendre des fusils. Mais un jour, le quart monde dira aussi basta avec moi. Viva Che Guevara, Zapata, Pancho Villa. Pour eux la mort, pour nous la samba. Viva Che Guevara, Zapata y Pancho Villa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. J'ai rêvé sur tant de chemins. J'ai dû marcher si loin, si loin. À la recherche de quelqu'un. Pour me tendre la main. Quelquefois j'ai parlé de moi à de fausses ingénues divines, et j'ai oublié dans leurs bras qu'on ne devine rien. Qu'on sait déjà pourquoi demain on repartira. Un homme simple, un visage, une empreinte qui un jour disparaîtra. Je suis un homme simple, un sourire, une étreinte que la vie prend dans ses bras. Je ne suis ni Dieu ni vaurien, et je joue comme au théâtre une pièce dont je connaîtrai la fin. Je fais de mon mieux pour la jouer. Un visage, une empreinte qui un jour disparaîtra. Je suis un homme simple, un sourire, une étreinte que la vie prend dans ses bras. J'ai rêvé sur tant de chemins. J'ai dû marcher si loin, si loin. Je ne fais que vivre ma vie. Aimez-moi pour ce que je suis. Je suis un homme simple, un visage, une empreinte qui un jour disparaîtra. Je suis un homme simple, un sourire, une étreinte que la vie prend dans ses bras. Un homme simple, un visage, une empreinte qui un jour disparaîtra.